toutes ses relations, toute sa ferveur mystique et qui pousse donc le cardinal. Alors maintenant, il faut une thématique. On dirait aujourd'hui un programme, un logo, un concept. Et alors, il faut bien quelque chose au service de quoi se mettre. Alors, le concept de Richelieu et du père Joseph, c'est assez génial. C'est de dire, voilà, mais c'est le concept de bon français. Là, vous avez le clan de ceci, le clan de cela. Là, il y a un clan qui est celui de tous les Français, de tous les bons Français. Et Richelieu incarne l'homme nouveau, celui qui va arriver à donner toute la place aux bons Français. Et alors, ça marche. Et comme les autres ne sont pas très heureux, après l'assassinat de Consigny, il y a des années troubles, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'insuccès pour le gouvernement de Louis XIII. Et finalement, il se laisse persuader qu'il n'y a pas d'autre solution que d'appeler Richelieu à prendre les affaires en main. Ce qui est inouï avec Richelieu, c'est que pendant tout le temps où il va tenir fermement les rênes de l'État, car même si Louis XIII joue un rôle très important, on va y venir tout à l'heure, mais c'est bien Richelieu qui gouverne, qu'on le veuille ou non, il ne cesse de secréter, si je puis dire, il ne cesse de susciter sur son chemin des ennemis irréductibles. Marillac, Montmorency, la reine Anne d'Autriche elle-même, le frère du roi, Gaston d'Orléans, et puis cette Marie de Hautefort qui joue contre lui, et au moment où il arrive à évincer Marie de Hautefort pour mettre un petit pion qu'il a formé lui-même auprès du roi, ben le pion en question se retourne encore contre lui. Mais comment se fait-il que tout le monde veuille toujours s'opposer à Richelieu ? Je crois que c'est vraiment l'intérêt qui domine. Et comme Richelieu, Richelieu essaye d'être vigilant, de prévoir les complots, organise les mariages, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, évidemment, il a forcément beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis, à un moment ou l'autre, se coalisent, même s'ils ont des intérêts différents. C'est finalement le clan des opposants. Alors, la force de Richelieu là-dedans, c'est d'abord d'organiser son propre parti, son propre clan de gens qui sont des fidèles. Mmh. Alors, qui ne sont pas, c'est très caractéristique, des gens de la grande noblesse. Parce que les gens de la grande noblesse, ce sont ceux qui veulent mettre les mains dans le gâteau. On les verra pendant la Fronde dans quelques temps, si je puis dire. Absolument. Et là, ce sont les ancêtres de nos fonctionnaires d'aujourd'hui. Ce sont des avocats, ce sont des gens qui sont au Conseil d'État, puisque ça existe déjà, et ça joue un grand rôle, et il confie à un certain nombre d'entre eux des missions spéciales dans les provinces. C'est ce que Louis XIV va systématiser plus tard sous le nom des intendants, qui sont tout simplement les ancêtres de nos préfets. Et donc, Richelieu gouverne comme ça, contre beaucoup de gens, mais il a beaucoup d'associés, et il a le fameux père Joseph, qui bâtit un système de renseignement sur toute l'Europe, et même au-delà de l'Europe. C'est l'œil de Moscou, si je puis dire. Père Joseph s'est mis au service de Richelieu, parce qu'il avait des grandes ambitions, c'était un mystique en même temps qu'un politique, mais il a pensé que seul Richelieu avait la trempe nécessaire pour gouverner les affaires de l'État. Et donc, il s'est mis au service de Richelieu, bien que plus âgé, plus introduit, plus connu, etc. C'était une preuve d'humilité, mais en même temps, c'était beaucoup de clairvoyance. Et donc, il l'a énormément aidé, soutenu, encouragé, réconforté dans les moments difficiles, parce qu'il y en a eu. Il a accepté d'être parfois désavoué par Richelieu quand il le fallait. Et donc, le père Joseph a joué ce rôle, qui était ce rôle de renseignement, qui était considérable. Il avait des agents partout où il y a des capucins, jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'au Japon, jusqu'en Chine. Richelieu était renseigné sur ce qui se passait. Un jour, quand il y a la guerre entre le sultan de Constantinople et le shah de Perse, Richelieu est mis au courant. Et tout de suite, il fait de la géopolitique avec le père Joseph. Donc, c'est tout à fait étonnant, cette espèce de couple. Un binôme, là, oui, pour le un coup. Binôme qui est très, très Donc, fort. Il y a un binôme officiel et visible entre le roi Louis XIII et son principal ministre, et un binôme totalement caché, secret, entre le ministre en question et son conseiller, le père Joseph. Tout à fait. Et ce sont ces trois hommes qui gouvernent la France, en Mais quelque c'est sorte. C'est exactement ça, parce que tous les trois sont des têtes de réseau, si l'on veut dire. C'est ça, oui. Voilà, le roi, il a la légitimité dynastique, mais il sait très bien, pendant toutes ces années de jeunesse, qu'il n'est pas aimé par sa mère Marie de Médicis, qui préfère le cadet Gaston d'Orléans. Et après tout, Louis XIII n'est pas ignorant des secrets des Médicis et de l'art du poison ou du poignard, et il se dit que sa mère pourrait très bien le faire assassiner pour mettre Gaston à la place. Et donc, ben évidemment, ça détermine aussi le côté faucheton et duplicité de Louis XIII. Alors Michel Carmona, je me mets à la place de nos auditeurs. Il y a quelques personnalités dans l'histoire, elles sont somme toute très, très peu nombreuses, on les compterait sur les doigts des deux mains, qui fascinent. C'est le cas de Talleyrand, par exemple, c'est le cas, je ne sais pas, dans un autre registre de Jules César. Bon, ce sont des gens dont on a envie de comprendre la nature, le tempérament, la vie quotidienne. Grâce à vous, Michel Carmona, dans quelques instants, nous allons entrer dans le quotidien du cardinal de Richelieu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire et au cœur de la vie quotidienne du cardinal de Richelieu cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité, nous allons en apprendre plus et en savoir plus sur cet homme. Vous recevez l'historien Michel Carmona. Il est l'auteur de Richelieu, l'ambition et le pouvoir, paru chez Fayard, et également La France de Richelieu, paru aussi chez Fayard. Alors Michel Carmona, j'ai fait une promesse aux auditeurs. À quoi ressemble une journée du cardinal de Richelieu? Où vit-il d'ailleurs à Paris? Lorsqu'il est à Paris, parce qu'il voyage énormément cet homme-là, mais quand il est à Paris, où est-il? Il est, surtout dans les dernières années de sa vie, dans une résidence qu'il se fait construire. C'est un somptueux palais. C'est un somptueux palais qui s'appelle alors le palais cardinal, mm-hmm. et que nous appelons aujourd'hui le palais royal. Mm-hmm. Parce qui a beaucoup changé depuis. Il a beaucoup changé. L'emplacement est là. Même, oui. Et il y avait déjà au départ une salle de théâtre, mm-hmm. Qui elle aussi s'est beaucoup déplacée. Passionné de théâtre, tellement passionné qu'il participe lui-même à l'écriture d'un certain nombre de pièces de théâtre. Il a constitué une petite équipe d'auteurs, dont Corneille d'ailleurs, qui écrivent pour lui en fait, sur des scénarios qu'il invente. Voilà, son raisonnement est très simple. C'est un homme qui veut de l'efficacité et de la rapidité. Une pièce, à cette époque, compte 5 actes. Mm-hmm. Alors, chaque auteur, à peu près normal, met un mois pour écrire un acte. Donc, il faut 5 mois pour qu'un auteur, un Corneille ou un autre, écrive une pièce. Il se dit, pour gagner du temps, pourquoi est-ce que je ne mettrai pas un auteur sur l'acte 1, un autre sur l'acte 2, un autre sur l'acte 3 ensemble? Comme ça, j'aurai la pièce au bout d'un mois. Voilà. Et il l'a fait. Il y a un certain nombre d'auteurs, dont Corneille, qui ont accepté de se soumettre à cette discipline. Alors, on a bien compris que ce palais cardinal est une chose inouïe. Le palais à Richelieu même, d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est un palais à la romaine, peuplé de statues extraordinaires, de vases en pierre dure. Enfin, c'est une collection comme on n'en avait quasiment jamais vu en France jusqu'ici. Donc, un luxe effréné. Et pourtant, au milieu de ce très grand luxe, le cardinal, lui, vit relativement... Simplement, si je puis dire. Très modestement. Oui. D'abord, il peut à peine manger. Ça, c'est déjà ça. Alors, il reçoit pourtant tous les jours à déjeuner, très souvent à dîner, et il fait servir des repas somptueux à ses invités. Mais lui ne mange pas, il ne boit pas non plus. Mais il est là parce que c'est un signe de sa charge et de traiter les gens bien. Parce qu'il a des abcès à l'estomac, il a des hémorroïdes, il a toutes les maladies possibles. En fait, il a toutes les petites misères possibles et imaginables. Il en a beaucoup. Il a des problèmes neurologiques aussi. Mm-hmm. Il a des fistules qui apparaissent sur les bras. Tenez, dans la dernière année de sa vie, il n'arrive même plus à signer. Quand il dicte son testament, il fait venir des témoins pour que ces témoins certifient qu'il n'est pas en état de signer, mais qu'il a toute sa tête, toute sa raison et que le testament est authentique. Il faut l'imaginer avec des tics nerveux, des... Ben, il a toujours été comme ça, et pas toujours de très bon goût. Mais enfin, c'est comme ça. Imaginez un conseil du roi, un conseil des ministres, disons. Il y a les ministres qui sont là autour de la table, et puis il y a Richelieu, puis le conseil traîne, et puis les nouvelles arrivent, elles ne sont pas toutes bonnes. Et alors, à un moment, Richelieu, hyper nerveux, saute de son siège, et puis il se met à sauter autour de la table du conseil des ministres, sauter comme un cheval et en hennissant quelquefois. Et puis il attrape les dossiers, il jette les dossiers à la tête des ministres, bah parce que vous n'avez pas été capable, mon cher, de gérer correctement cette affaire. Et il y a des fois où il fait même quelque chose qui est une gaminerie de gosse. il a une sarbacane. Et avec la sarbacane, il tire des petites boulettes de papier mâché à la figure de ses ministres. C'est quand même incroyable. Imaginez le spectacle aujourd'hui. Mais on a l'impression d'une sorte de cours impossible, d'une certaine manière. Et le cardinal lui-même est un homme beaucoup plus drôle et beaucoup plus insinuant que ce qu'on imaginerait. On a toujours l'image, évidemment, du personnage recréé par Alexandre Dumas pour Les Trois Mousquetaires, qui est une sorte de monstre froid, d'une dureté extrême. Ce n'était pas la réalité du quotidien de cet homme-là, qui était très sensible, qui aimait les beaux mariages, etc. Il passait son temps à vouloir marier les gens, etc. Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas eu de postérité lui-même parce que, bon, il a été, autant qu'on sache, à peu près chaste pendant sa vie d'ecclésiastique. À peu près, oui. J'ai bien dit à peu près. Mais il avait le goût, justement, des familles, des mariages, des successions, etc. Et il passait effectivement son temps à essayer d'imaginer des alliances, mettre la petite un tel avec le jeune un tel et pouvoir créer ainsi la famille qu'il n'avait pas eue. Cet homme qui est en train de créer l'État moderne et qui doit tenir le royaume dans des circonstances extrêmement dures, il ne faut pas oublier cette guerre que nous menons contre une grande partie des puissances de l'Europe, à commencer par les Habsbourg, qui sont la grande puissance en face. Bref, cet homme-là doit aussi composer avec un roi caractériel compliqué, neurasthénique. C'est très compliqué la vie de Richelieu. Il aura passé toute sa carrière dans l'angoisse d'être renvoyé, parce que c'est ça son angoisse. Il se dit que du jour au lendemain, le roi peut décider de le renvoyer. C'est de le renvoyer, c'est aussi de le faire assassiner. Ou de le faire assassiner. Après tout, il a fait ou laissé assassiner Consigny. Mm-hmm. Et il se dit que... Et il a même employé l'expression là, à la fin. Oui, tout à fait. Il le lui a reproché au moment de la grande explication, lors de l'affaire Saint-Mars. Il a peur aussi, indépendamment de sa propre destinée auprès du roi et au gouvernement de la France, il a peur des changements brutaux d'attitude de Louis XIII. Par exemple, on est en plein siège de La Rochelle, qui est une des grandes affaires du règne, une espèce de test. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient que le siège échoue. Et ce n'est pas pour défendre le protestantisme, c'est parce que ça serait l'échec de Richelieu, et ils pensent que dans la foulée, Richelieu serait évincé. Eh bien, Louis XIII est au siège de Richelieu, au siège de La Rochelle. Richelieu a insisté pour qu'il soit présent, et puis il trouve que ça traîne. Alors il s'en va, il veut chasser, il veut revenir à Paris, à Fontainebleau, etc. Et puis, à certains moments, il dit « Bon, écoutez, ça dure trop, on lève le siège ». Voilà, donc changement d'attitude complet, ça c'est les sautes d'humeur et les sautes de politique de Louis XIII. Il n'a pas de constance, il n'a pas de ténacité. Est-ce que Richelieu a cru qu'en mettant le petit Saint-Marc aux côtés du roi, il allait enfin pouvoir le tenir un peu mieux Très, très probablement. Et il s'est obstiné parce qu'il a eu sans arrêt des difficultés avec Saint-Marc. Vous le rappeliez, Franck, tout à l'heure, ça a été une créature difficile. Oui. Il s'est quand même obstiné. C'est un capricieux, en fait. Oui. Il n'avait peut-être personne d'autre à mettre à la place. C'est peut-être ça aussi. Et puis, il s'est probablement imaginé qu'il avait la capacité, la puissance, l'influence pour gouverner ce jeune garçon. Et il s'est complètement trompé. Et il va finir par le faire exécuter. Or, ce n'est pas le seul. Si on devait montrer dans une sorte de film accéléré tous ceux qui sont montés sur l'échafaud pour être décapités sur ordre de Richelieu, ou en tout cas dans le sens voulu par Richelieu, parce que c'est plutôt comme ça que ça se passe, ça ferait un film très sanglant et très long, en fait. Oui, mais il y a les victimes des complots réels ou supposés montés contre Richelieu, il y a les duellistes, il y a le duc de Montmorency qui s'est révolté ouvertement en faisant alliance avec Gaston d'Orléans en 1632. Est-ce qu'il prenait plaisir à faire exécuter tous ces gens? Est-ce qu'il y a un côté dictateur avant l'heure chez cet homme-là? Il y a en tout cas la volonté d'éliminer. Voilà, on élimine pour ne plus avoir ce problème. Vous mettez un ennemi à terre, il va se redresser, il va revenir. Le comte de Soissons, par exemple, il est ennemi, puis il jure la fidélité. Puis, bon, on ne peut pas faire exécuter le comte de Soissons. Heureusement, le comte de Soissons... Personnalité trop importante, voilà, trop proche de la famille royale. À la bonne idée de monter une armée et de gagner sa première bataille contre les troupes royales. Et puis, il y a l'accident divin, là, le coup de pistolet quand il relève sa visière. Mm-hmm. Voilà, mais le comte de Soissons, il est éliminé. Voilà. Et c'est ça le plus important pour Richelieu. Et quand on visite les châteaux de France, dans toutes nos provinces où que nous allions... vous avez quasiment toujours quelqu'un qui vous dit, un conférencier, un guide qui vous dit « Les tours ont été rasées par Richelieu ». C'est une des phrases qu'on entend le plus souvent. Mais il a passé sa vie à faire raser des tours, cet homme. Il y a eu surtout une grande décision après la chute de La Rochelle. Après la chute de La Rochelle, ordre a été donné de raser les fortifications de La Rochelle, pas du côté de la mer, parce que là c'était la défense contre l'ennemi extérieur, mais du côté de l'intérieur. Et dans la foulée, il y a eu une décision, un édit que Richelieu a fait prendre par Louis XIII, de raser tous les châteaux de l'intérieur du royaume. Voilà, ils n'ont pas d'utilité, ils n'ont d'autre utilité que de permettre des révoltes contre le roi. Bon, j'espère qu'on voit un peu mieux quel genre de personne, à la fois très sensible et très insensible, a pu être ce très complexe cardinal de Richelieu. Voyons maintenant ce que nous lui devons, voyons quel a été son rôle concret dans l'histoire de France. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Richelieu jusqu'à 15h sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez l'historien Michel Carmona et vous êtes très nombreux à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook au cœur de l'histoire avec Christian qui nous dit « Richelieu a été le premier ministre qui a façonné la France d'aujourd'hui ». Oui, alors justement, c'est ce que nous allons essayer de voir. C'est la dimension homme d'État cet après-midi. On pourrait parler bien sûr des origines de Richelieu, de sa jeunesse, très passionnante d'ailleurs, de sa montée jusqu'au pouvoir, du rôle extraordinaire de Marie de Médicis et de l'espèce de bras de fer entre la reine-mère et le jeune cardinal. C'est toute l'affaire de la journée des dupes, etc. Pour cela, je vous renvoie à l'ouvrage de Michel Carmona, Richelieu, l'ambition et le pouvoir. Et puis il y a aussi la France de Richelieu, hein, tous les deux chez Fayard, Michel Carmona. Je peux aussi citer de Sylvie Tossig un Richelieu lieu inédit dans la collection Folio Biographie, et puis Richelieu, l'argent et le pouvoir d'Henri Auzer avec une préface de Françoise Hildesheimer chez Chronos. De beaux livres sur Richelieu, il y a le Richelieu d'Arnaud Tessier aussi, bien entendu. On pourrait évoquer toutes sortes d'aspects, mais celui qui nous intéresse là, si vous le voulez bien, c'est celui de l'homme d'État. Richelieu a, vous nous l'avez dit pour ouvrir cette émission, il a une image, il a une volonté, il a un plan ou un programme, appelons ça comme on voudra, c'est la construction d'un certain État, aussi bien vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de l'intérieur. On lutte contre les protestants et les ferments de discorde à l'intérieur, on lutte contre la maison d'Autriche et ceux qui pourraient attenter à la puissance française à l'extérieur. Ce programme, on a l'impression qu'il le mène envers et contre tous, avec tout de même l'assentiment du roi Louis XIII. Ne minimisons pas le rôle de Louis XIII dans cette affaire, qui sur le fond a compris la grandeur du dessein de Richelieu. C'est tout simple. Quand Richelieu est nommé ministre par Louis XIII, il lui dit « voilà, il y a un programme ». Et ce programme, c'est lutter contre les ambitions de la maison d'Autriche à l'extérieur et rendre à la France sa place sur la scène internationale. À l'intérieur, il faut lutter, un, contre les ambitions des grands, la grande noblesse, ceux qui veulent justement se partager la France. Deux, lutter contre les ambitions du parti protestant, les protestants organisés en partis militaires avec des places fortes qui leur sont dédiées. On sort du règne d'Henri IV, ne l'oublions pas. On sort du règne d'Henri IV qui, au moment de l'édit de Nantes, avait concédé pour satisfaire les protestants un certain nombre de places, par exemple La Rochelle. Mmh. Voilà, c'est une place qui est dirigée par des protestants, financée par l'argent du roi, et il l'avait fait pour un certain nombre d'années. Alors Richelieu dit à Louis XIII, voilà, il faut en finir. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un parti militaire protestant à l'intérieur du royaume. Et il faut, en troisième lieu, lutter contre les ambitions des corps intermédiaires, le Parlement de Paris, les parlements de province, les assemblées de notables, etc., qui sont des gens qui, en réalité, défendent des intérêts particuliers et pas les intérêts de l'État, et qui défendent des ambitions qui sont d'abord les ambitions de ces gens qui sont propriétaires de leurs fonctions et de leurs charges. Donc il y a des intérêts matériels et des enjeux de pouvoir. Et Louis XIII accepte et il nomme Richelieu ministre avec ce programme. Et Richelieu, de temps à autre, appelle à Louis XIII, voilà le programme que vous avez accepté et voilà ce que je suis en train de faire par rapport au programme. En quelque sorte, des bilans d'étapes. Et ça va durer presque deux décennies cette affaire, en tout cas plus de 15 ans. Ah oui, ça va durer plus de 15 ans. Alors, à cause de la guerre, à cause des difficultés financières que ça engendre, évidemment, le programme, il ne peut pas le réaliser intégralement. Par exemple, malgré le désir qu'il en avait, il est impossible de racheter à ces corps intermédiaires les fonctions qu'ils occupent, parce qu'ils les ont achetées, c'est un bien, ça se transmet dans les successions, et il faut beaucoup d'argent pour s'en débarrasser. Mais que ça soit contre le parti militaire des protestants, ou que ce soit contre les ambitions des grands, bon, c'est plus ou moins réussi. Je dis plus ou moins parce qu'après, au moment de la Fronde, on va voir tous les grands qui ont été mis là sous le couvercle pendant le règne de Richelieu se réveiller en disant « Ah, c'est bien, c'est une femme maintenant qui est aux commandes, Anne d'Autriche, la régente. » C'est une période de faiblesse parce qu'une femme ne peut pas tenir le gouvernement de la France et on en profite, on en profite, on en profite. Et puis, ça va être le dernier soubresaut. Hein, oui. Parce que Anne d'Autriche avec l'astucieux Mazarin... Est-ce qu'on peut dire de Mazarin qu'il est l'élève de Richelieu? Il est vraiment l'élève de Richelieu. Ouais. Il a travaillé auprès de Richelieu pendant des années. Richelieu l'a préparé à ses fonctions. Richelieu pensait que ce serait le père Joseph qui lui survivrait. Le père Joseph est mort 4 ans avant. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est Mazarin qui devient son successeur potentiel. Et c'est Mazarin qu'il recommande à Louis XIII en lui disant « Gardez-le, il vous servira fidèlement ». Vous avez justement évoqué tout à l'heure cette grande explication entre Richelieu et son roi. Ils sont tous les deux mourants, littéralement. Ils sont chacun dans son lit. Et ils ont une conversation qui ferait une très belle pièce de théâtre, non? Sans aucun doute. Ils sont chacun sur un lit. Ils sont à Tarascon. Mmh. Il y a en bordure du fleuve, le bruit du fleuve permet d'éviter qu'on entende leur conversation. Mmh. Hein, c'est quand même très important. En d'autres temps, ils auraient peut-être mis la télévision à côté pour brouiller. Mais là, c'est le bruit du fleuve, c'est le bruit du Rhône. Et ils sont là, alors une explication. Ils sont quand même à une petite distance, à une distance de sécurité de 2-3 mètres à peu près. Et donc, c'est la grande explication. Et c'est surtout Richelieu qui parle en disant bah, « Finalement, vous avez prêté l'oreille au complot. Vous avez prêté l'oreille aux insinuations de Saint-Mars, etc. Ah, pas du tout, dit Louis XIII. Je vous aime toujours. Il n'y a jamais eu de problème. Un petit côté père de substitution. C'est un... Aux yeux de Louis XIII, Richelieu est un peu le père qu'il aurait aimé avoir, si je puis dire. Je pense que c'est vraiment ça. Ça joue beaucoup. Louis XIII, en plus, est très religieux. Et le fait que ce soit un ecclésiastique qui soit auprès de lui, un cardinal en plus, quelqu'un également qui est plus âgé, Richelieu a 15 ans de plus que Louis XIII, ça compte. Et tout ça fait que Louis XIII accepte les admonestations, quelquefois même les reproches, de Richelieu. Merci beaucoup Michel Carmona, je pense qu'on y voit un peu plus clair sur cette figure éclatante et brillante, cette figure rouge du cardinal de Richelieu. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait ce très beau palais dans Paris, hein, l'actuel palais royal. Il avait aussi un très beau château en Touraine, hein, le château de Richelieu. Et puis il avait à Rueil le château du Val dont maintenant va nous parler Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et il est temps maintenant d'aller dans les Hauts-de-Seine, sur les pas de Richelieu, à la découverte du château du Val avec Lorena Martin. Et oui, les Alsaciens connaissent bien le traité de Rueil, hein, qui a marqué le rattachement notamment de Colmar à la France. C'était en 1635, c'était dans un château que, j'allais dire Louis XIII, que Richelieu venait de racheter. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Oui, il venait de le racheter en 1633. Mm-hmm. C'est le petit château donc du Val, situé rue du Lac à Rueil. Et il y fait des travaux considérables. Il agrandit le domaine, construit une propriété assez immense. Et les jardins deviennent très vite célèbres avec des cascades, des jets d'eau, un arc de triomphe Rueil, en fait, et hein. des bassins. Oui, complètement. Et c'est là aussi qu'a été signé l'édit qui a autorisé les statuts de l'Académie française. Mm-hmm. Et on raconte même que Louis XIV s'y est beaucoup réfugié plus tard pendant la Fronde, et qu'il oui, aurait voulu racheter la propriété à l'héritière du cardinal, la duchesse d'Aiguillon. Mais elle aurait demandé une somme si élevée que le roi aurait renoncé à l'achat et aurait décidé de construire Versailles. D'agrandir Versailles qui était construit voilà. pour son père. Exactement. En l'occurrence. Alors, ce château de Rueil, tellement mirifique qu'il a ébloui les dessinateurs et les graveurs du XVIIe siècle, n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe pratiquement plus rien, hormis quelques pièces d'eau, une grotte de rocaille, quelques vestiges égarés à l'intérieur des propriétés. Et la maison du Père Joseph, qui était à l'origine la maison du portier. Donc le Père Joseph dont vous avez parlé, il a vécu dans cette maison lors de ses séjours à Rueil pour être auprès du cardinal de Richelieu, et il est même décédé dans cette maison en décembre 1638. Il faut imaginer une maison blanche au toit d'ardoise, et cette maison bien sûr a changé plusieurs fois de propriétaire. Aujourd'hui elle appartient à la ville de Rueil. Voilà, la ville de Rueil. C'est à la fin des années 80 que la municipalité l'a rachetée. Ils l'ont appelé l'ermitage, sans doute pour le lien un petit peu du côté ermite du Père Joseph. Et il dispense aujourd'hui des cours de musique, de chorale, des cours de gymnastique, de beaux-arts. Et le rez-de-chaussée est réservé aux expositions de photographies, sculptures, etc. Avec un parc, etc. Un parc très beau pour faire des balades en famille de près de 9000 m² ouverts toute l'année. Eh bien écoutez, donc ça c'est à Rueil-Malmaison. C'est à Rueil. Et ça s'appelle la maison l'ermitage. Du Père Joseph. Ah, l'ermitage. L'ermitage, l'ermitage du Père Joseph. Merci Lorraine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines gastronomiques, puisque vous allez nous donner les origines de la margarine, Franck. Non, mais écoutez, j'aurais tout fait dans cette émission. Alors, la margarine, donc, eh bien, sous le Second Empire, figurez-vous que le beurre coûtait très cher et l'État était à la recherche d'un nouveau produit qui puisse être emporté pour des voyages en bateau, notamment. N'oubliez pas l'explosion, littéralement, des expéditions maritimes à l'époque. Et donc, c'est l'État, c'est Napoléon III, si vous voulez, qui lance un concours. L'objectif de ce concours, inventer un substitut au beurre, quelque chose qui soit plus facile à conserver, comparable en matière de valeur nutritive et surtout meilleur marché. Alors, qui gagne ce concours ? Eh bien voilà, c'est la question. 15 juillet 1869, il était temps de se dépêcher parce que le Second Empire va bientôt finir. Oui. C'est un certain Hippolyte Meige-Mouriès, qui est Mouriès, qui est originaire de Draguignan. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui va, cet Hippolyte, remporter le concours. Ce pharmacien français, parce qu'au départ il était pharmacien, imagine une émulsion blanche qui est un savant mélange de graisse de bœuf, de lait, d'eau. Ben ça y est, on a trouvé un rival au beurre. Un rival qu'il va falloir nommer. Bah oui, parce que du coup, cette margarine, elle porte pas le nom de son inventeur. Non, alors ça vient d'où, margarine ? On disait oléo-margarine au départ. D'accord. Oléo, tout ce qui est gras, bien entendu. Ouais. Margarine, du grec margaron, qui veut dire la perle. Et oui, du fait de la couleur blanche de l'émulsion. Et puis, on a adopté donc assez vite ce nom de margarine qui s'est répandu à travers la France, à travers l'Europe et le monde, et qui a trouvé toutes sortes d'applications, notamment dans un domaine que connaît bien Lorena Martin, et là elle serait beaucoup plus savante que moi pour vous en parler, notamment dans le domaine de la pâtisserie, bien entendu. Au fil des années, on a quand même utilisé toutes sortes d'autres graisses, notamment la graisse de baleine, vous savez, et puis les graisses d'origine végétale, huile de graines, de coton, de soja, de coco, d'arachide, de maïs, etc., l'huile de palme, plus récemment. On peut aujourd'hui encore, bien que le Second Empire ne soit plus qu'un souvenir, on peut aujourd'hui encore parler d'une concurrence entre le beurre et la margarine, même si vous permettrez au bon poitevin et charentais que je suis, et normand d'ascendance, le beurre, de préférer le beurre, évidemment. Bien sûr. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Oui, demain à partir de 14h pour une émission consacrée aux Vikings. Aux Vikings. Eh bien, je vais vous parler de Normand, ça tombe et pas bah mal. Voilà. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.